sais. Qu'est-ce que je mets pour dormir comme habit? Si vous le sauriez, vous me diriez, ah bon, comme des cons. Bon, allez, je vais vous avouer, pour dormir comme habit, je ne mets rien. Personne ne sait ce que j'écoute en dehors de Gainsbourg, mais si je te le dis, toi, tu te barres comme un pauvre con. Bon, allez, je vais vous avouer, mon second style musical, c'est le métal. Personne ne sait où en sont pour l'instant mes amours. Si vous connaîtriez ma ligne à mire, étonné jusqu'au fion. Bon, allez, je vais vous avouer le nombre de meufs que j'ai, c'est le zéro. Personne ne sait où en est cette chanson. Si je te le dis, toi, le chanceux, cette chanson. Bon, allez, je vous le dis, cette chanson, ben, elle est finie.